jour de son fichier client, la Régie des Eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des Eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le porte-parole du ministère de la Santé déclare que le moment n'est pas encore venu de fermer les frontières burundaises à cause de la pandémie du coronavirus qui a touché pas mal de pays dans le monde et chez nos voisins immédiats. Il intervenait dans l'émission publique des porte-parole de différentes institutions de l'État ce vendredi en Provence, Chibitoke. Éducation, plus de 6000 élèves ont abandonné l'école au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Là, nous sommes en province de Kirundo. La cause principale de ces abandons étant la pauvreté des familles, selon les rapports fournis par les directeurs communaux de l'enseignement. Nous appellerons notre correspondant. Et dans la chronique environnement, un expert environnementaliste nous parlera des menaces qui pèsent sur les différentes variétés de poissons se trouvant dans le lac Tanganyika. Voilà pour le sommaire. Bonjour, je venais de vous le dire, plus de 6000, tel est le nombre d'élèves ayant abandonné l'école au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Là, nous sommes en province Kirundo, la cause principale de ces abandons étant la pauvreté des familles, selon les rapports fournis par les directeurs communaux de l'enseignement. Le directeur provincial de l'enseignement à Kirundo demande aux parents d'approcher leurs enfants qui peuvent abandonner sous prétexte de pauvreté et demande aussi à l'administration de s'y impliquer en vérifiant s'il n'y a pas de complicité des parents dans ces abandons. Correspondance. Abraham Safari. Dans toute la province de Kirundo, 6287, tel est le nombre de cas d'abandon scolaire au cours du premier trimestre seulement de cette année scolaire 2019-2020. Comme l'indiquent les rapports à la direction provinciale de l'enseignement à Kirundo concernant les abandons scolaires, la commune qui se classe la première dans ces abandons est celle de Vumbi avec un nombre de 1534. Parmi eux, 1513 sont des écoles fondamentales. La deuxième commune est celle de Busoni où on enregistre 1500 abandons, dont 1464 sont du fondamental. La commune qui connaît un nombre moins élevé d'abandons scolaires est celle de Gitobe avec 518 et parmi ceux-ci, 511 sont du fondamental. Dans toutes les 7 communes de la province de Kirundo, le constat est que le nombre d'abandons des garçons et des filles est presque égal. Dans certaines communes, les garçons qui ont abandonné sont légèrement supérieurs aux filles et vice-versa. Parmi les causes d'abandon scolaire, la principale qui se remarque partout est la pauvreté qui engloutit les familles abritant ses enfants. D'autres ont abandonné suite aux maladies, déménagement des familles vers les autres localités, les grossesses non désirées et les mariages précoces. Le directeur provincial de l'enseignement à Kirundo, Nestor Musafiri, demande aux élèves de poursuivre l'école car c'est leur avenir et de ne pas porter oreille à ceux qui disent qu'ils n'auront pas de quoi faire après les études. Ce responsable scolaire demande également aux parents d'approcher leurs enfants, de les sensibiliser et de dialoguer avec eux. Quant à l'administration, ils doivent collaborer de près avec les responsables scolaires à tous les échelons et surtout suivre de près les parents s'ils ne sont pas complices dans l'abandon scolaire de leurs enfants. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le ministère affirme qu'il est bien organisé, qu'il s'est bien organisé pour lutter contre le coronavirus. Et c'est l'affirmation du docteur Jean Bosco Gilkwishaka, porte-parole de ce ministère lors de l'émission publique des porte-parole des institutions qui s'est tenue ce vendredi au chef-lieu de la province Chibitoke. Jean Bosco Gilkwishaka fait savoir qu'il n'est pas encore temps de fermer les frontières du Burundi, ajoutant que les commerçants qui reviennent de l'étranger doivent être mis en quarantaine. Suivez docteur Jean Bosco Gilkwishaka. Ce plan de riposte montre ce qu'il faut faire au moment opportun. Selon les phases, sur la phase de protection, au moment où ce virus est loin du pays, il y a une autre phase, la phase B, où le Burundi se trouve actuellement. Ça veut dire que Il y a des pays limitrophes qui ont été attaqués par ce virus. Il y a en dernier lieu la phase C ou la phase rouge, où le virus s'est manifesté dans un pays. La phase qui ne concerne pas le Burundi actuellement. Ainsi, toutes les mesures sont prises tenant compte de ces phases. Ivyo rero bijanye n'ivyimbibe ico kiringo ntikiragera ko leta. On n'est pas encore sur la phase de fermeture des frontières parce qu'au Burundi, il n'y a aucun cas de ce virus. Nous, on ne peut pas empêcher les commerçants à aller s'approvisionner à l'étranger. On les laisse partir de retour. Les marchandises entrent, mais le commerçant passe par la quarantaine pour protéger notre population contre ce virus. C'était Dr Jean Bosco Girukwishaka, porte-parole du ministère de la Santé publique. Il n'a pas été refusé aux hommes politiques en exil de rentrer, seulement il leur a été demandé de se conformer à la loi. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du président de la République lors de l'émission publique des porte-paroles des différentes institutions publiques tenues ce vendredi en Provence. Tibitoke, Jean-Claude Carilloy, fait savoir également que le chef de l'État gardera l'honneur d'un sage du pays et guide suprême patriotique, tout en respectant les ordres du chef de l'État qui sera investi après les élections. Aimé Richard Niyonguru. Au cours de cette émission publique tenue ce vendredi en province de Cibitoke, la première série des questions des journalistes ont été centrées sur la vie en général du pays, sur la question concernant les hommes politiques en exil qui n'ont pas trouvé chemin facile pour rentrer, alors que le numéro 1 Burundi ne cessait pas de leur lancer un appel de regagner leur pays natal. Les journalistes ont voulu savoir s'il n'y aurait pas le non-respect du supérieur. Jean-Claude Karegwa, le porte-parole du président de la République, a affirmé que les hommes politiques n'ont pas été refusés de regagner leur pays, mais qu'ils doivent se conformer à la loi. Sur la question de savoir les honneurs et le pouvoir qui sera réservé au chef de l'État actuel, une fois terminé son mandat, son porte-parole précise que le chef de l'État actuel restera un sage du pays, mais continuera sa mission de formation patriotique au Burundi, tout en respectant les ordres du président qui sera mis en place. Concernant le groupe armé qui s'est déclaré en province Bujumbura en février dernier, Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, fait savoir que ce groupe a été anéanti et qu'il s'est déclaré responsable de cette attaque. Merci Aimé Richard Niyonguru. Les services nécessitant du courant électrique sur l'avenue de l'Amitié au centre-ville de Bujumbura tournent au ralenti à cause du manque d'électricité. Ceux qui exercent des activités affirment qu'ils viennent de faire un mois presque sans électricité et regrettent de travailler à perte. Ils demandent à la régie des eaux de trouver rapidement une solution à ce problème. Reportage Adrien Dimurukundo. En arrivant sur l'avenue de l'Amitié se trouva au centre-ville de la capitale Bujumbura, on est accueilli par des bruits des groupes électrogènes. La population exerçant leurs activités sur cette avenue indique qu'une période de mois passe sans avoir le courant électrique. Certaines personnes rencontrées par la radio Isanganiro disent que le manque du courant électrique serait lié aux anciens fils électriques déjà usés. Les matériels que nous utilisons ont besoin d'électricité. C'est à cette raison que nous avons passé au moins un mois et demi sans travailler. Cette population fait savoir qu'elle ne reçoit plus de clients, qu'elle travaille à perte. Nous qui avons des imprimantes, des matériaux qui travaillent avec l'électricité, nous ne pouvons pas travailler comme il faut. Nous sommes en train de perdre, nous ne pouvons pas avoir des clients, nous travaillons en vain. Cette population demande à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Nous demandons que la régie des eaux peut renouveler les installations ou bien peut faire le tout possible pour que nous ayons l'électricité. Certaines personnes parmi cette population ont déjà commencé à effectuer les travaux de déménagement dans d'autres places et il y a le courant électrique, indique cette population. Adrien Dimurukundo. Des officiers de police proposent aux responsables de certains endroits stratégiques comme les banques, les microfinances, hôtels ou autres de les équiper en caméras de surveillance pour aider les enquêteurs en cas de crime dans de tels endroits. C'est l'une des préoccupations soulevées lors d'une réunion tenue jeudi à Muyinga par le ministre de la Sécurité à l'endroit des officiers de police dans les régions du nord et l'est du pays. Le porte-parole agent de la police qui a fait le point sur les échanges tenus à huis clos signale que le ministre a rassuré que son corps continue à s'équiper en outils modernes pour continuer à lutter contre toute forme de criminalité. Dieudonné Nzeimana. Autour du ministre de la Sécurité publique, des officiers de police opérant dans six provinces du nord et l'est du Burundi ont l'occasion d'évaluer l'état sécuritaire. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police du Burundi, qui fait le point sur les échanges tenus à huis clos, révèle à la presse que le bilan sécuritaire est largement positif, en dépit des cas de criminalité, comme des assassinats pour des mobiles fonciers. Les officiers ont émis des doléances, d'après le même porte-parole de la police. Équipés en caméras de surveillance, certains endroits font partie des souhaits. En matière d'enquête, certains ont proposé que certains endroits comme les banques, les microfinances, les hôtels puissent s'équiper par l'installation des caméras de surveillance afin que les images à travers ces caméras puissent aider et faciliter les enquêteurs. Une fois qu'il y a un crime qui est commis là-bas, la police continue à s'équiper. Il a également fait savoir que le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes est en train de s'équiper d'une façon moderne pour faire face à toute éventualité qui menacerait la sécurité des citoyens burundais, y compris la prévention et gestion des catastrophes. Dans la réunion, les officiers sont informés sur d'autres sujets, comme le contexte politique du pays et les mesures de prévention contre le coronavirus. Les mesures d'hygiène doivent être respectées à la lettre. Muyinga Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Une dame de plus de 40 ans habitant la colline Rutshunda en commune Rusaka de la province Mwaro est morte noyée dans la rivière Mubarazi vers 5h de ce vendredi. Les ressources policières dans la commune Rusaka indiquent que cette dame se rendait à Bujumbura. Le commissaire communal de la police à Rusaka ainsi que les sources provenant de la colline Rutshunda disent aussi que vers 11h de ce vendredi, le corps de cette dame n'était pas encore retrouvé. Actualité internationale. Le coronavirus est toujours dans l'actualité. Cette maladie perturbe la célébration des rites musulmans. Les autorités saoudiennes ont suspendu temporairement le Hajj et la Omra ou petit pèlerinage en raison de cette pandémie. Tous les candidats au Hajj et l'Omra 2020 ayant versé de l'argent seront indemnisés par l'Arabie Saoudite. Un mécanisme de remboursement est déjà établi en rapport avec les agences locales qui organisent le pèlerinage. Plus de 15 000 pèlerins nigériens seront concernés. Et des militants islamistes ont attaqué un poste militaire, la base de Tarkint, au nord de Gao, au Mali, tuant 29 soldats et en blessant 5 autres, ont déclaré ce jeudi les autorités, estimant que c'est un énorme revers pour l'armée malienne. Depuis leur bastion au Mali, des militants islamistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique déstabilisent la région du Sahel, en particulier le Niger et le Burkina Faso. Ces attaques à grande échelle contre des cibles militaires ont augmenté ces derniers mois et provoquent beaucoup de colère dans le pays. En janvier, 20 soldats ont été tués lorsque des militants islamistes à moto ont pris d'assaut un camp militaire dans la région centrale de Ségou. Place maintenant à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je vous l'avais dit dans les titres, diverses variétés de poissons vivant dans le lac Tanganyika sont menacées, notamment par l'utilisation des filets de pêche inappropriés. L'environnementaliste Albert Monerané souligne aussi que les déchets qui sont jetés dans le lac représentent aussi une menace pour ces espèces. Yvette Nijimbere. Certaines des espèces aquatiques tendent à disparaître, comme l'explique l'environnementaliste Albert Mbonelane, se demanda si le lac Tanganyika constitue toujours un trésor pour le Burundi. Le lac Tanganyika, c'est une grande richesse, un trésor d'eau douce, et puis les spécialistes nous disent qu'il y a des espèces halieutiques endémiques au lac Tanganyika qu'on ne trouvera nulle part, mais les Burundais, nous avons oublié cela. C'est le bijou d'or qui va se casser, puis après demain nous dirons finalement nous avions un grand trésor, le lac Tanganyika. Albert Mbonelane souligne que les activités de pêche constituent une menace pour les espèces vu l'augmentation des professionnels dans ce secteur. Cet environnementaliste souligne que la pêche illicite avec utilisation des moustiquaires et des filets inappropriés est aussi un handicap pour l'augmentation des poissons. Le nombre de pêcheurs augmente et les outils utilisés dans cette activité, comme les filets, sont inappropriés. Dans ce travail, il y a même ceux qui utilisent les moustiquaires imprégnés. alors qu'il était destiné dans la lutte contre la malaria. Dans son cas, ça arrive qu'ils attrapent même des petits poissons, vu la taille des moustiquaires. Les quantités d'auteurs entraînées par l'érosion se déversant dans le lac Tanganyika est aussi à la source de la diminution des poissons, explique Albert Mbonelane. Pour les êtres aquatiques comme les poissons, etc., tout ça, avec la sédimentation, donc quand on voit les quantités de terre qui sont entraînées par les rivières à cause de l'érosion, du manque de protection des rives et des rivières, et les poissons, ils sont obligés de fuir. Ou bien ils meurent, ou bien ils fuient. Et puis, quand vous voyez la destruction de la zone tampon du lac Tanganyika. Mais tout ça, quand nous détruisons, ces poissons n'ont pas de choix, ils doivent fuir. Ou bien c'est la mort, ou bien c'est la fuite. Cet environnementaliste demande la responsabilité de toute personne dans la préservation des espèces vivant dans le lac Tanganyika. Il cite aussi les hippopotames et crocodiles qui sont menacés dans leur habitat alors qu'ils influent sur l'augmentation des poissons. Albert Mbonelane appelle à la prise de mesures durables pour préserver le lac Tanganyika. Merci Yvette, c'est sur cette chronique environnement que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ce journal a été mis en onde par Alphonse Kouguimana. Au micro Jean Bosco Ndouimana, nous souhaitons de passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.